Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Voici le Saint du jour par Louis de Beaumont, diffusé dimanche 4 décembre 2011 à 6h et à 14h. Saint Éloi, qui est fêté le 1er décembre et qui vécut de l'an 588 à 660 en France. Et il avait un très grand talent d'orfèvre. Éloi fut ministre du roi Clotaire II, puis du roi Dagobert, et devint ensuite prêtre et évêque. Éloi évangélisa une partie de la Belgique et des Flandres et fut canonisé par la voie populaire. Éloi naquit en 588 à 8 km au nord de Limoges. Limoges qui doit son nom aux habitants de toute la région environnante, région qui était très anciennement occupée par les Lémovis, et c'est pourquoi le nom ancien de Limoges était Lémovitches. Limoges existait déjà avant l'invasion romaine, laquelle invasion avait commencé dans la partie méridionale des Gaules en 122 avant Jésus-Christ, avec la fondation par les Romains de la ville d'Aix, et après une période de 64 années, en 58 avant Jésus-Christ, avait commencé la conquête générale des Gaules par Jules César, Caius Julius César. Consul associé au triumvirat avec Crassus et Pompée, César s'était fait nommer gouverneur de la Gaule pour 5 années, en l'an 58 avant Jésus-Christ. Caius Julius César avait employé ses années de gouvernement, prorogées d'ailleurs en 5 années supplémentaires, soit au total 10 années, pour entreprendre la conquête difficile des sauvages, barbares et courageux Gaulois. La conquête avait coûté très cher aux légions romaines et avait duré 7 longues années. L'habile et intelligent chef Arverne, Vercingétorix, fils du puissant Celtile, avait réussi à soulever contre les Romains toute la Gaule centrale, avait réussi à se faire nommer généralissime malgré toutes les dissensions tribales. César avait été battu en plusieurs rencontres par les hordes de Vercingétorix. César avait même été forcé de lever le siège de Gergovie. Vercingétorix, hélas pour les Gaulois, avait perdu une grande bataille et avait été obligé de se replier dans son refuge d'Alésia et bien fortifié. Bloqué dans Alésia, Vercingétorix avait dû se rendre. Et prisonnier, le fier Gaulois fut exhibé aux foules de Rome, enchaîné sous les fouets lors du triomphe du général romain César, couronné de laurier sur son char attelé de 4 chevaux blancs. Et puis, le pauvre vaincu, jeté dans une geôle, y avait pourri 6 longues années et enfin, en l'an 46, y avait été étranglé. Ensuite, durant 450 ans, 4 siècles et demi, de 51 avant Jésus-Christ à 406 après Jésus-Christ, les Gaules avaient prospéré assez paisiblement sous la rigoureuse et ferme administration romaine. Le christianisme, à partir de la spectaculaire conversion de l'empereur d'Occident, Constantin, en 312, c'est-à-dire 2 siècles et demi avant la naissance d'Éloi, le christianisme était peu à peu devenu la religion de la grande majorité des habitants. Et puis, les frontières de l'Empire romain étaient de moins en moins bien défendues. Les barbares s'infiltrent d'abord par petites bandes armées, puis en 412, dans toute la Gaule méridionale, et remontant jusqu'à la région de Limoges, les Visigoths, originaires des bords du Danube, avec leur chef Atolf, se voient accordée par les Romains inquiets de leur puissance et de leur nombre, se voient accordés par leurs immenses hordes de vastes territoires dans les Gaules du sud-ouest. Les Romains espéraient bien ainsi détourner les Visigoths de leur visée sur la douce et florissante Italie. 80 ans avant la naissance des lois, l'énergique roi des Francs, Clovis, est imploré et supplié par les évêques de toutes les régions entre la Loire et les Pyrénées, de toutes les régions occupées par les Visigoths, Clovis est supplié par ses évêques de venir les délivrer du roi régnant alors sur les Visigoths, Alaric II, qui est hérétique, qui est arien, disciple de l'hérésie Arcarius, lequel prétend que le Christ n'est pas fils de Dieu et Dieu lui-même, mais que le Christ est une simple créature. Et le funeste Alaric II persécute les évêques, en effet, les prêtres et les fidèles chrétiens. Et les Francs, déferlent, venant des Gaules du Nord, affrontent avec vigueur les Visigoths et les écrasent à Vouillé près de Poitiers. Clovis tue de sa propre main, tue de son glaive le roi Alaric, et depuis, les Francs sont les maîtres jusqu'aux Pyrénées. Éloi naquit donc en 588, tout près de Limoges, à Chaptelat exactement, où ses parents avaient une vaste exploitation agricole fortifiée, une villa, selon le terme gallo-romain d'alors, à 5000 Romains au nord de Limoges, soit environ 8 kilomètres. Cette villa, comme beaucoup d'autres villas gallo-romaines, très semblables aux villas d'Italie, construites souvent à grands frais par de riches propriétaires ou de puissants personnages, cette villa comportait de multiples bâtiments et habitations, tant pour l'exploitation des terres que pour loger les nombreux serfs et serviteurs, et comportait aussi, pour les maîtres du domaine, c'est-à-dire pour les parents d'Éloi, une importante et belle demeure entourée de colonnades et de pièces d'eau. L'aménagement intérieur, tendu de tentures soyeuses, aux sièges et aux lits de repos couverts de coussins, et aux murs recouverts de marbre et de bronze, le tout très inspiré de l'architecture et de l'art latin du Bas-Empire. Les parents d'Éloi s'appelaient Eucher et Terigia, et comme la grande majorité des habitants de ces régions longtemps administrées par les Romains, la grande majorité de ces anciennes familles gallo-romaines étaient chrétiennes, depuis 2 ou 3 siècles. Eucher se rendit vite compte que son fils Éloi était non seulement d'une intelligence souple et vive, mais aussi d'une grande adresse manuelle, et doué d'imagination artistique. Et Eucher voulut confier son fils Éloi à un excellent orfèvre de la ville de Limoges, Abbon, qui était aussi directeur de l'atelier officiel de fabrication de monnaie de la ville. Et voici Éloi devenu apprenti dans l'atelier d'Abbon. Éloi se montra rapidement très habile dans la fabrication et le façonnage de la vaisselle, d'or et d'argent, des bijoux, des meubles, des coffres ornés de parties métalliques précieuses. Éloi également participe à la frappe et à la gravure des monnaies. L'origine de la monnaie métallique se situe très anciennement. Il est vraisemblable que les toutes premières apparitions de la monnaie de métal se sont manifestées en Égypte. En effet, dans la Bible, on ne parle pour la première fois de monnaie métallique de sicle, le mot vient de l'hébreu du verbe sekel qui signifie peser, qu'à l'époque du déplacement, du voyage en Égypte d'Abraham. Et quant aux Grecs, ils pensaient que la monnaie datait de Phidon, roi d'Argos, au IXe siècle avant Jésus-Christ. La première monnaie grecque portait la représentation, l'image gravée d'un bœuf. La pièce en question ayant en effet la valeur d'un bœuf. Pecus, qui signifie troupeau, bétail en latin. Puis par la suite, ce furent des dessins symbolique. Alors que chez les Romains, les premiers Romains romaines monnaies furent en cuivre et également vite en image de bœuf ou de mouton, et puis devinrent ces pièces en terre cuite et parfois en bois peint. Et c'est Servius Tullius qui fit frapper pour la première fois une pièce en airain, l'airain étant un alliage de cuivre avec d'autres métaux, l'or, l'argent ou encore le plomb. Servius Tullius fut le 6e roi de Rome en 578 avant Jésus-Christ. Il s'appelait Servius car il était fils d'une captive. Au temps des lois, une grande diversité régnait dans les monnaies, représentant le plus souvent la tête d'un prince. La faculté de battre monnaie n'était pas encore réglementée par le pouvoir royal, et parfois de simples abbés de monastère battaient monnaie. Pour Éloi, dans son atelier de Limoges, sous la direction d'Abbon, il grava des pièces habilement et artistiquement pour le gouvernement de la ville. Éloi pensa, après quelques années d'un travail très apprécié chez l'orfèvre Abbon, à Limoges, que son talent assez exceptionnel lui attirerait sans doute des débouchés, des possibilités d'exécution d'œuvres plus prestigieuses s'il se rapprochait de la cour des rois francs. C'était alors Clotaire II qui régnait. Il était le fils de Chilpéric Ier. Clotaire II était monté sur le trône du royaume de Neustrie, du royaume de Soissons, à l'âge de 4 mois, en 584, et il avait 4 ans de plus qu'Éloi. Quand Éloi partit de Limoges pour se rendre près de la cour de Clotaire II, il avait une vingtaine d'années, donc vers l'an 610, et le pauvre Clotaire II avait une hérédité bien chargée. Son père Chilpéric avait d'abord épousé une princesse douce et charmante, nommée Odoïère. Mais très vite, Chilpéric fut violemment attiré par une suivante de la reine Odoïère, sa femme, l'angeleuse, perfide et ravissante Frédégonde. Celle-ci, d'assez basse extraction, née à Montdidier en Picardie, et très ambitieuse, la très ambitieuse Frédégonde, n'eut de cesse, par ses coquetteries provocantes, que de séduire le très charnel Chilpéric et devint sa maîtresse. Mais Chilpéric, après quelque temps, épuisé, lassé par la dévorante Frédégonde, se laissa convaincre par l'énergique et belle reine d'Austrasie Brunehaut, sa belle-sœur, d'épouser en seconde noce la sœur aînée de Brunehaut, la princesse Galswint, fille d'Athanagilde, le puissant roi des Visigoths. Brunehaut espérait beaucoup que les charmes et le caractère ferme de sa sœur Galswint réussiraient à détacher complètement le faible et voluptueux Chilpéric de l'envoûtante et dangereuse Frédégonde. Mais hélas, Frédégonde était toujours dans la place, dans le palais de Chilpéric, et ne voulut pas voir sa proie lui échapper. Elle médusa à nouveau son ancien amant, et cette fois-ci, le dominant totalement, le convainquit de tuer sa nouvelle rivale, la jeune reine Galswint. Et Chilpéric lui obéit, et fit étrangler la pauvre Galswint pendant qu'elle dormait, confiante, dans le lit royal. Voilà quel était le père de Clotaire II, roi de Neustrie. Et quant à la mère de Clotaire II, c'était la funeste et criminelle Frédégonde. Aussi, il ne faut guère s'étonner si la ruse et la perfidie, la violence et la brutalité étaient les procédés habituels de gouvernement de Clotaire II. C'est auprès de ce prince peu engageant, à la cour de Neustrie, en sa capitale, la ville de Soissons, qu'Éloi vint trouver le trésorier royal de Clotaire II qui s'appelait Bobon. et Bobon accepta de faire effectuer à Éloi quelques essais. Et ces essais éblouirent le trésorier Bobon, qui engagea sans hésiter le très habile et grand artiste Éloi. Quelque temps plus tard, Clotaire II, pour faire montre à ses visiteurs, à ses leudes, à sa cour, aux ambassadeurs et messagers, pour manifester et bien démontrer sa puissance et la richesse de ses états, commanda à son trésorier et orfèvre Bobon d'entreprendre la fabrication d'un trône d'or, enrichi, incrusté de joyaux de pierreries. Et Bobon fit alors savoir à son prince, à l'exigeant roi Clotaire, qu'il avait dans ses ateliers un jeune orfèvre d'un talent exceptionnel, Éloi, et que celui-ci serait chargé de ce travail. Éloi calcula la quantité d'or qui lui serait nécessaire, et la fit savoir au prince. Celui-ci, sans discuter, fit remettre à Éloi la quantité demandée, qui était considérable, ainsi qu'une importante cassette contenant toutes les pierres précieuses destinées à être artistiquement incrustées dans ce siège triomphal. Et Éloi se mit avec ardeur et conscience au travail, suivant son inspiration. Quand le trône fut terminé, Éloi se rendit compte que ses prévisions quant à la quantité d'or demandée avaient été trop larges, trop importantes, et qu'il lui restait assez d'or pour fabriquer, pour façonner, pour polir un trône, un autre trône, un second trône. Et consciencieusement, quand Éloi présenta au roi Clotaire le premier trône achevé, et que le roi admira tout à loisir en félicitant Éloi, Éloi fit amener aussi le second trône, tandis que le roi enthousiasmé lui promettait une superbe récompense pour le premier trône. Le second trône était aussi beau que le premier, quoique différent. Et à Clotaire, stupéfait et émerveillé, Éloi expliqua qu'il avait voulu de la sorte utiliser la totalité de l'or qui lui avait été confié. Cette conscience et cette honnêteté, cette intégrité médusèrent le prince, qui lui-même était peu scrupuleux, et habitué aussi à constater bien souvent que chez ses serviteurs, tricherie, larcin, plus ou moins dissimulé, toute mesquinerie fréquente et habituelle tolérée au sein de la foule des serviteurs du palais. Et Clotaire pensa qu'il lui fallait s'attacher définitivement à un homme d'une si rare qualité morale, d'une grande valeur professionnelle, un homme sur lequel il pourrait compter, un homme à qui il pourrait enfin faire une totale confiance. Et Clotaire proposa donc à Éloi de devenir un de ses principaux officiers et ministres. Éloi accepta. La coutume était, au moment de l'intronisation d'un nouveau proche collaborateur du prince, la coutume voulait que le nouvel officier ou ministre prête serment solennel de fidélité et de droiture. Et ce serment se prononçait sur de saintes reliques. Éloi déclara alors qu'il n'était pas nécessaire de lui demander un tel serment, que sa fidélité, sa droiture et son intégrité étaient acquises, qu'il avait trop de respect et de vénération pour les saintes reliques pour les faire intervenir de façon donc superflue en ces circonstances. Cette attitude et cette déclaration achevèrent de déterminer le roi, qui dispensa Éloi de cette cérémonie et l'assura qu'il lui donnait sa confiance pleine et définitive. Et quant à Éloi, en prenant ses nouvelles et importantes fonctions, il fut bien conscient qu'il serait désormais extrêmement sollicité par de nombreuses machinations ourdies sans grand scrupule, qu'il serait affronté à des tentatives de corruption, qu'il lui faudrait braver les menaces plus ou moins sournoises de puissants personnages dont les intérêts seraient parfois contraires à ceux de son prince. Éloi fut bien conscient alors que pour mener sa tâche de ministre sans compromission et sans défaillance, il lui faudrait être fort, et essentiellement fort de force morale. et Éloi savait que la source essentielle de force intérieure, de force morale, est d'attacher sa ligne de conduite personnelle au roc du projet divin, du projet de Dieu sur chacun de nous, et donc d'enraciner notre volonté dans une vie spirituelle, entretenue et nourrie, en lien constant, en lien vital avec notre Sauveur, le Seigneur Jésus, dans une vie sacramentelle, très suivie. Aussi, Éloi, comme un athlète qui se prépare à de dures compétitions, s'astreignit dorénavant à une vie ascétique rigoureuse, en jeûnant notamment très régulièrement. En outre, il souhaita analyser sérieusement et sans complaisance, sans autocomplaisance, son état spirituel et entreprit avec un saint prêtre une confession générale, désireux d'obtenir, par son aveu et son regret, par l'expression de sa volonté de se corriger, d'obtenir de Dieu, par le ministère du prêtre, pardon et réconciliation. Puis Éloi, ainsi conforté et renouvelé, s'obligea à une vie de prière quotidienne régulièrement organisée et à une vie sacramentelle très recueillie. Durant ce temps, la reine d'Austrasie, l'ennemi mortel de Frédégonde, la belle, sage et énergique Brunehaut, avait été chassée d'Austrasie par une sédition, une rébellion, et avait trouvé refuge, après une fuite éperdue, cavalcadant, chevauchant par les sombres immenses forêts pour déjouer ses poursuivants, Brunehaut avait finalement trouvé un refuge à peu près sûr, croyait-elle, espérait-elle, en Bourgogne, à la cour de son petit-fils Thierry II. Et d'ailleurs son petit-fils écoutait ses conseils, obligeait ses ministres à suivre les indications de Brunehaut, les recommandations de sa grand-mère Brunehaut, et la population bourguignonne s'en félicitait. La sécurité était un peu meilleure, les échanges commerciaux s'activaient. Mais voici qu'en 613, Éloi a maintenant 25 ans, et Clotaire II est victorieux des Austrasiens, et dorénavant maître absolu de la Neustrie et de l'Austrasie. Mais la rancune de Clotaire est tenace. Il se souvient de la haine féroce de sa mère Frédégonde contre et envers Brunehaut. Et quoique sa mère Frédégonde soit maintenant morte depuis 16 années, décédée qu'elle fut en 597, le cruel Clotaire exige des Bourguignons qu'on lui livre Brunehaut. Et la pauvre Brunehaut, qui a pourtant maintenant 69 ans, puisqu'elle est née en 544. Et la malheureuse Brunehaut, qui est toujours belle malgré son âge, se détermine à subir courageusement interrogatoires brutaux et sans doute emprisonnement. Au mieux, pense-t-elle, on l'internera jusqu'à la fin de ses jours dans un monastère. Mais l'épouvantable et sadique Clotaire livre, lié sur un chameau, la charmante et séduisante, l'intelligente, la fine et artiste reine des Austrasiens. Il la livre aux outrages, à la lubricité, aux violences, aux perversions de la soldatesque, et ceci durant trois interminables journées. Puis on l'attache, l'infortunée reine Brunehaut, par une jambe et par les cheveux, à la queue d'un cheval sauvage. Et celui-ci, affolé par les cris et les coups, ce cheval sauvage, traîne au grand galop le pauvre corps sur le sol raboteux. Le pauvre corps, bientôt déchiqueté. Cet affreux, atroce supplice terrorisa et indigna les populations. Clotaire est méprisé, en secret car on le craint. Clotaire est le puissant maître de toute la monarchie franque. Son empire s'étend maintenant du fleuve Vézère, dans le nord-ouest de l'Allemagne, jusqu'à la Garonne. Cet empire comprend désormais les royaumes d'Austrasie, de Bourgogne et de Neustrie. chacun de ces pays conservant son administration propre, mais sous l'unique sceptre de Clotaire. En l'an 615, Éloi a 27 ans et son maître, le roi Clotaire II, en a 31. Clotaire, dans une grande et solennelle cérémonie, confirme et certifie à ses leudes, c'est-à-dire aux chefs de guerre, ses fidèles, ses compagnons, attachés à sa personne, ses chefs de ses guerriers, qui ont le privilège de s'asseoir à sa table, qui ont bénéficié de dons de terre, de fiefs. Clotaire leur confirme, en des parchemins scellés de son sceau royal, il leur confirme l'inamovibilité, désormais acquise, de leur fief. Et les leudes, à leur grande satisfaction, deviennent ainsi grands feudataires, grands vassaux héréditaires. En outre, Clotaire octroie aux évêques l'élection par leurs fidèles, ce qui augmente considérablement l'indépendance des évêques à l'égard du pouvoir politique, du pouvoir royal. Et également, le droit définitif pour les évêques d'être désormais, en cas de situation délictuelle, jugés non plus par le souverain, mais uniquement par leurs égaux, par leurs pairs, par les autres évêques. L'Église acquiert ainsi le droit de juridiction, et sa stabilité et sa puissance en sont considérablement confortées. Éloi, ministre, intègre et capable, trouve à la cour du roi Clotaire un appui admiratif en la personne du fils du roi, le jeune Dagobert, qui est né en 604 et qui a maintenant une quinzaine d'années. C'est un prince intelligent et qui a une vive estime pour Éloi. En l'an 628, Éloi a 40 ans et le roi Clotaire II meurt cette année-là et c'est son fils Dagobert qui monte sur le trône. Il a 24 ans. Naturellement, Dagobert sait qu'il a, en la personne d'Éloi, un conseiller extrêmement consciencieux et habile. Et suivant en cela l'exemple de son père, il donne à Éloi toute sa confiance et des pouvoirs étendus. Éloi trouve aussi deux autres amis très sûrs à la cour de Dagobert. Le trésorier du roi qui s'appelait Didier et un certain Odom, nom prononcé en contraction, Ouan, qui était nettement plus jeune qu'Éloi puisqu'il était né en 609 et n'avait donc que 19 ans lors de l'avènement de Dagobert. Ouan était originaire des environs de la capitale de Dagobert, de la ville de Soissons. Son visage natal était Sancy. Dagobert avait confié à Ouan la garde des sceaux, ces lourds cachets gravés, qui permettaient au roi de sceller les documents pour authentifier ainsi en quelque sorte sa signature. Ouan était de commerce agréable, très pieux, et versé dans les connaissances théologiques. Éloi et lui conversaient volontiers sur ces sujets graves et aimaient échanger leurs analyses. En l'an 636, Éloi a 48 ans et Dagobert a des difficultés avec les Bretons. Ceux-ci, les habitants de l'Armorica, à la région de l'Ouest, aux rivières nombreuses et aux côtes très découpées comprenant beaucoup de baies denses et d'excellentes possibilités portuaires, et d'un climat très humide, cette Armorica, où ceci dû à la proximité constante de l'océan, mais disposait d'un sol fertile produisant notamment beaucoup de céréales, et ses habitants, de caractère laborieux et patient, mais très indépendants, ne supportaient guère leur soumission aux Francs. Et c'est le roi franc Clovis qui avait, 120 ans plus tôt, en 510, soumis le roi breton Bodic. Et les descendants de Bodic, les rois bretons qui lui succédèrent, avaient tendance à bien peu se préoccuper des obligations convenues par Bodic avec les monarques francs. D'autant plus qu'il avait été entendu que les souverains bretons, depuis leur soumission à Clovis, ne porteraient plus le titre de roi, mais seulement celui de comte de Bretagne. Et ceci, ne tenait pas compte de ses exigences et se considérait de rechef, et nonobstant ses conventions, comme chef suprême de ces régions armoricaines. Il en était ainsi tout particulièrement du pays qui s'étendait de la rivière du Couesnon jusqu'à la rivière de Morlaix, et ce pays portait le nom celtique de Domnonée, ce qui signifie « vallée profonde ». Et les habitants, appelés donc du nom latinisé de Dumnonie, formaient, depuis le VIe siècle, depuis 150 ans, un petit royaume très particularisé. Et le monarque de la Domnonée était, à l'époque de Dagobert, le roi Judicael. Ce Judicael, quelques années plus tôt, 24 ans plus tôt, en 612, avait cédé son droit d'aînesse, son droit au trône de Domnonée, à son frère cadet, qui portait un nom biblique, le nom de Salomon. Et Judicael, qui ressentait une vocation monastique, avait préféré quitter les honneurs du pouvoir politique et se retirait dans la solitude, la prière et une vie de pénitence au monastère de Saint-Méen, à 5 lieues au nord-ouest de la ville de Montfort. Mais après un séjour de 20 années dans ce monastère, Judicael estima qu'il était de son devoir de reprendre en main le gouvernement de son pays, la Domnonée, géré de fort malencontreuse façon par son frère cadet. Et Judicael sortit son monastère en 632. Et donc, depuis 4 années, était de retour au pouvoir. De ce fait, Judicael s'était vu dans l'obligation de répondre aux aspirations d'indépendance de ses sujets par rapport à l'égard du puissant roi Dagobert. Quant à Dagobert, lui, avant de mettre sur pied une nouvelle intervention armée de répression, il préféra envoyer en négociateur auprès de Judicael, roi de Domnonée, en ambassadeur, son fidèle ministre Éloi. En effet, l'administration des princes mérovingiens n'établissait que très peu de spécialisation parmi leurs grands officiers. Le monarque utilisait tantôt l'un, tantôt l'autre de ses ministres pour tel ou tel ouvrage, telle ou telle mission, suivant les circonstances, l'importance de la mission, les capacités de l'officier. Cette mission diplomatique auprès du roi Judicael était difficile et délicate. Et Dagobert pensa que son cher et subtil Éloi, ferme et inflexible à l'occasion, était tout désigné pour ramener Judicael à une vision plus objective du rapport de force. Éloi arrive donc en ces profondes et mystérieuses forêts de la Domnonée. Et il est reçu dans le vaste et barbare palais de Judicael. Le pieux Judicael, l'ancien moine, revenu régner sur la Domnonée dans un légitime et très respectable scrupule à l'égard de ses sujets, auxquels il estimait devoir en priorité, avant même son goût, sa vocation pour la vie monastique, estimait devoir consacrer ses forces et ses capacités et son sens moral. D'abord, au bonheur et à la prospérité de son peuple, ce pieux Judicael trouva vite en cet ambassadeur franc, en Éloi, des concordances de vues et d'idéal. Et Judicael accepta sagement un compromis proposé par Éloi, qui ramenait la Domnonée en situation vassale, mais sauvegardait entièrement sa liberté d'administration. En l'an 638, 2 ans ont passé, Éloi a 50 ans, et il apprend que Judicael, rasséréné, ayant remis son pays, la Domnonée, dans le calme et bien en paix, Judicael a repris le chemin de son monastère. À la cour de Dagobert, le maire du palais, Pépin de Landenne, agit avec efficacité pour favoriser la propagation, le développement du christianisme, et notamment sur les bords du Rhin. Pépin de Landenne avait commencé sa carrière comme chef, comme gouverneur du pays d'Asbin, dans la Tongrie. Ce pays d'Asbin s'étendait sur la rive gauche de la Meuse, aux alentours de Liège. Le Hasbin était donc le berceau de la famille de Pépin de Landen. L'intégrité et la ferme administration du maire du palais Pépin lui avaient donné une autorité et une influence considérables. Il avait une fille, Pépin de Landen, une fille belle et sage, nommée Begga, et Pépin de Landen n'eut de cesse que sa fille aux longues tresses blondes, Begga, Begga la superbe, soit épousée par un autre grand officier royal, et ce fut un homme de grande valeur, Ansegise, lui-même fils d'un très saint homme Arnoux, qui demanda et obtint la magnifique et vertueuse Begga. Vite, ils eurent un enfant, qu'ils appelèrent Pépin, comme son grand-père Pépin de Landen, mais on compléta son nom pour le distinguer en Pépin d'Héristal. Éloi, ami de Pépin de Landen, eut la douleur, un an plus tard, en 639, de voir décliner la santé de leur roi, l'opulent et fastueux Dagobert. Un prince Dagobert restait et artiste, qui avait su apprécier le grand talent d'Éloi, mais qui, hélas, Dagobert, s'était trop laissé entraîner à savourer les agréments précaires de la concupiscence, avec de très nombreuses, de trop nombreuses femmes, volages et faciles. Et cela avait hâté son vieillissement, avait précipité sa caducité, son déclin. Il n'avait, le pauvre Dagobert, que 36 ans. Et son long convoi funèbre s'acheminait déjà, l'emmenant pour l'ensevelir, en la sublime abbaye de Saint-Denis qu'il avait lui-même fondée et édifiée seulement 7 années auparavant, en l'an 632. Éloi, usant de son autorité en tant que ministre très écouté et suivi du roi Dagobert, et sachant bien que les monnaies émises par le prince sont en quelque sorte le reflet du prestige royal, la démonstration palpable de la puissance du pouvoir établi, Éloi tenait à ce que les monnaies frappées, gravées, polies, dans l'atelier monétaire de la cour de Neustrie, soient bien spécifiques par leur qualité évidente au premier coup d'œil. Éloi tint également à endosser la responsabilité des gravures des monnaies qu'il avait lui-même projetées, dessinées, élaborées et fait exécuter. Aussi, l'on retrouve sa signature « Élicius » sur ces belles pièces. Remarquable pour leur élégance, cette signature « Élicius » est parfois gravée circulairement autour des pièces de monnaie, soit, et il était le seul à cette époque à agir ainsi, gravée dans le champ même de la pièce. Quant aux travaux d'orfèvrerie, Éloi exécuta lui-même de nombreux tombeaux, des châsses, conservant les reliques de saints, façonnant ainsi, travaillant avec art, l'or et l'argent, incrustant, enchâssant avec goût et délicatesse pierres rares et précieuses. Son grand art est ainsi particulièrement admirable dans les tombeaux des saints Germain, Séverin, Quentin, Pia, Lucien, de Sainte Geneviève et de beaucoup. Il recouvrit les restes du grand saint Martin à Tours, d'une châsse extraordinaire, toute étincelante d'or et de gemmes. Et il fit de même pour la tombe de saint Brice, le successeur de saint Martin. Pour saint Denis, mort martyr, premier évêque de Paris, décapité en haine de la foi, 4 siècles plus tôt, en 272, Éloi entreprit un splendide et très grand mausolée en or et en joaillerie, dressé sur des colonnes recouvertes d'or et de pierres précieuses, au toit d'argent. Ce mausolée était considéré comme unique pour sa beauté, et l'on venait de bien loin pour l'admirer et vénérer le grand Saint-Denis. et se rappeler son courage, son dévouement et sa foi. Ces chefs-d'œuvre d'orfèvrerie mérovingienne ont été, hélas, presque en totalité détruits. Au siècle suivant, par nécessité, pour récupérer l'or et l'argent, les pierres précieuses, et aussi furent détruites par vandalisme, 11 siècles plus tard, lors de la Révolution française. Éloie, plus il avançait en âge, davantage s'obligeait à la pénitence. Tant pour toujours mieux contrôler ses sens que pour participer librement au salut du monde, en s'associant ainsi au sacrifice du Sauveur Jésus dans sa passion. Il tenait aussi à racheter les esclaves proposés sur les marchés au retour des expéditions victorieuses des redoutables armées franques. Ainsi libérés, ces malheureux pouvaient regagner leur patrie, et certains préférèrent se mettre au service des lois. Dagobert avait donné à Éloi une magnifique exploitation agricole, avec une vaste maison de plaisance, des villégiatures, une villa à Solignac, près de Limoges. Et Éloi édifia sur son domaine un grand monastère qui accueillit bientôt 150 moines sous la règle de saint Benoît. Et l'abbé, le premier abbé, en fut le pieux Remacle. Quand Dagobert mourut le 19 janvier 639, Éloi voulut lui quitter la vie luxueuse et honorifique des palais. Et ceci pour entrer dans le clergé, se mettre enfin en totale dépendance du Seigneur Jésus, enfin en complète disponibilité pour participer à l'extension du grand message d'amour et de paix, servir son Père du ciel, son Père chéri du ciel, Dieu toute puissance et toute lumière. Son ami Ouen l'imita, et une année plus tard, après le délai d'un an exigé alors entre l'entrée dans l'Église et leur ordination au ministère, au sacerdoce du prêtre, une année donc plus tard, le 13 mai 641, Éloi a alors 53 ans. La hiérarchie ecclésiale, les autres évêques des Gaules du royaume franc, voulurent que les compétences et les capacités, aussi bien d'Éloi que de son ami Ouen, soient pleinement utilisées dans les fonctions d'évêque. L'un, Éloi, fut alors sacré évêque de Noyon, Noyon qui se trouve à 6 lieues au nord-est de Compiègne. L'évêque de Noyon gouvernait alors également les diocèses de Tournai, Gand, Courtrai, Saint-Quentin. Et l'autre évêque, Ouen, fut sacré, effectivement, évêque de Rouen. Éloi, en fait, installa son siège épiscopal à Anvers, pour étendre toute sa mission aux Flamands et aux Frisons. Éloi, dans ses prédications, avait un style très direct, très naturel, plein de vie et de chaleur humaine, qui touchait beaucoup ses auditoires. Et comme il le disait, « Je vous prêche simplement pour que vous puissiez comprendre. » Éloi, le grand évêque missionnaire si près de son peuple, avait maintenant 72 ans, nous sommes en l'an 660, et la maladie commence à le freiner dans sa vie si active. Et les derniers temps, il lui faut s'appuyait sans cesse sur son bâton de pasteur, tant l'épuisement le gagne. Mais sa gaieté habituelle ne le quitte pas. Le 1er décembre de l'an 660, il dit à nouveau à son entourage sa confiance dans la miséricorde du Seigneur Jésus. Et combien il se réjouit de la si proche béatitude éternelle, et mourut souriant. Vous êtes bien à l'écoute de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, et vous venez d'entendre le Saint du jour par Louis de Beaumont.